Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à quelqu'un. Jusqu'à quand seras-tu ingrat alors que le Seigneur te bénit? Le Seigneur utilise Fréquence Vie pour te restaurer. Tu as pris des engagements. Jusque-là, tu ne les as pas honorés. Non. Une chose est de prendre un engagement, une autre est de l'honorer. Lorsque tu mets les intérêts de Dieu en première position, Dieu va te bénir. Cherche premièrement le royaume et sa justice et toutes les autres choses te seront données par-dessus. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 6, du premier verset au verset 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel chapitre 6 à partir verset 1. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et ils dirent: que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Ils répondirent: si vous renvoyez l'arche des dieux d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferions-nous? Ils répondirent: 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exercera-t-il pas ses châtiments sur eux? Et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis, vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitent et les attelèrent au char et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur les chars l'arche de l'Éternel et les coffres avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Amen. Il y a 2 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis des OSB. Voici la première vérité. Repentez-vous afin d'obtenir la guérison et la restauration. La repentance est un élément important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'églises, des milieux chrétiens où on ne prêche plus la repentance. On ne peut pas voir, expérimenter la délivrance divine, la guérison divine, la restauration si on ne passe pas par la repentance, la métanoïa. Il faut se repentir. Vous voyez, l'histoire ici des Philistins nous montre que même les païens, même les devins, Ils reconnaissent l'importance de la repentance. Je vais parler à un frère, écoute-moi bien. Tu es parti voir les marabouts. Il y a des fois où quand Dieu veut te parler, il peut utiliser même les marabouts. Ils vont te dire que non, toi tu ne dois pas venir ici parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à une sœur. Quand Dieu veut te pousser à la repentance, même quand tu vas te prostituer dans une chambre d'hôtel, même à l'hôtel, quelqu'un peut te dire que toi ce n'est pas ta place. La repentance. Regardez ici. Les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance. Mais l'arche de l'Alliance est devenue une menace. Cette arche a créé des dégâts dans leur camp. C'est ainsi qu'ils sont partis consulter leurs devins. Et leurs devins leur disent qu'il faille se repentir. Vous voyez, ici, il est dit au verset 2. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Il dit, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en ce lieu. Il répondit, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Nous voyons, la repentance doit être accompagnée par des gestes concrets. Et lorsque nous regardons ici, nous voyons qu'il y a deux éléments importants qui ont accompagné la repentance des Philistins. D'abord, c'est la restitution. Quand tu veux te repentir, tu as pris par exemple ce qui ne t'appartient pas. Tu as pris un mari d'autrui, ma sœur. Tu dois décider de restituer, c'est-à-dire tu dois rompre. Tu vas dire non, je restitue. Tu as volé quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu dois décider de retourner. C'est ça la repentance. Je vais parler à quelqu'un. Tu viens de voler un portable de quelqu'un. Écoute-moi bien. Si tu connais Jésus, tu ne peux pas rester avec ce portable. Il faut retourner ce portable. Il faut retourner ce sac. La restitution. C'est ce que les devins même des Philistins ont voulu montrer en disant il faut renvoyer l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche n'appartenait pas aux Philistins, ça appartenait aux enfants d'Israël. L'arche était un coffre sacré qui symbolisait la présence divine. Ils ont compris que tous les malheurs qui leur sont arrivés étaient dus au fait qu'ils ont pris l'arche. Et il fallait donc restituer l'arche. Deuxième geste qu'ils ont posé qui démontre la repentance, c'est l'offrande. Il y a des moments où le Seigneur peut te dire pour réparer ce que tu as fait. Il faut poser un geste, une offrande. Même les païens ont compris ce principe-là. Une offrande de culpabilité, une offrande de réparation. C'est pourquoi les devins ont dit, bon, comme vous avez offensé Dieu-là, le Dieu d'Israël, vous ne pouvez pas renvoyer l'arche à vide. C'est vrai, il faut réparer. Il faut faire une offrande qui montre que vous voulez réparer ce tort. Et regardez la qualité même des offrandes. Je vais parler à un chrétien. Si même les païens comprennent que quand vous voulez réparer, il faille donner une offrande de qualité. À combien plus forte raison, nous qui sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, quand nous voulons donner l'offrande, nous devons donner ce qui a de la qualité, de la valeur. Ne donnons pas des choses minables. Donnons ce qui a de la valeur, qui peut toucher le cœur de Dieu, au point où le Seigneur peut dire, bon, à cause de ce qu'il a fait, à cause de sa repentance, à cause de son offrande, je vais agir, je vais le délivrer, je vais restaurer sa vie. Vous voyez? Le verset 4 dit, les Philistins disent, quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit, 5 tumeurs d'or, 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Et au verset 7, il dit, maintenant faites un char tout neuf. Et prenez 2 vaches qui allaient et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la ramènerez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or. Et vous donnez à l'Éternel, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel, en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Vous voyez, une offrande de valeur. Une offrande de qualité, des objets d'or. Bien-aimés, nous devons donc poser des actions de repentance, des actions qui peuvent toucher le cœur de Dieu si nous voulons voir la manifestation de sa grâce, de sa grandeur. Deuxième vérité, n'endurcissons pas nos cœurs de peur que Dieu ne nous châtie comme il a châtié les Philistins et même les Égyptiens. Vous voyez ici? Et ça, parfois... Même les païens peuvent nous dire, quand Dieu veut te parler, il peut utiliser même une bouche païenne. Les princes des Philistins disent ceci, au verset 6. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux Et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Vous voyez, l'histoire des enfants d'Israël, des pharaons, devrait nous servir de leçon. L'endurcissement, c'est quoi? C'est le fait de persévérer dans le mal. On t'a dit, il faut laisser les mensonges, toi tu ne veux pas laisser. L'endurcissement, c'est quoi? C'est le fait de demeurer dans le péché, dans l'immoralité. Oui, on t'a dit de laisser cette dame-là. Mais toi, tu es jeune, tu es chantre, tu cours après l'argent. Tu penses qu'en sautant avec des dames, c'est là où tu deviendras riche. Mais tu ne sais pas que tu es en train de vendre ton âme. Lorsque tu t'endurcis, sache que la colère de Dieu peut s'apesantir sur ta vie. Les Égyptiens, Pharaon ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël. Moïse est parti à maintes reprises pour lui dire, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Lui, il était endurci. Et cet endurcissement a permis à Dieu de faire éclater sa gloire, de frapper les Égyptiens des 10 plaies. Mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, c'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je vais parler à quelqu'un. Tu as demeuré longtemps dans le monde. Tu as entendu des prédications. Tu as entendu des amis. Ils t'ont parlé de Jésus. Tu t'en vas à l'église. Tu t'en vas à la messe. Mais ta vie ne change pas. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Tu es même engagé dans un mouvement mystique où tu lis des livres bizarres. Mon ami, fais attention parce que tu es en train de livrer ton âme à Satan avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi. Viens à Jésus. Donne-toi tout entier, répands-toi, abandonne ta mauvaise vie et tu verras la grâce divine, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni, nous allons le louer, nous allons le célébrer à travers ces cantiques. Seigneur, ton nom nous donne la joie. longa Yesu Kombona yo elonga nanga Kombona yo elonga Kombona yo elonga Kombona yo elonga Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, notre roi. Gloire au Saint-Esprit, notre consolateur. Élevons ensemble nos voix et bénissons le Seigneur. Amen. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 6, versets 1 à 12. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous encourageons tous ceux qui partagent OSB par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez un témoignage sur les bienfaits de cette émission, nous serions intéressés d'écouter votre témoignage ou les témoignages de ceux avec qui vous partagez. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à nous repentir. Si tu te rends compte que tu t'es égaré loin du Seigneur, tu te rends compte que tu as commis un péché qui demande la réparation, qui demande même la restitution. Il y a des actes que tu dois poser, même si ça te fait mal. Mais pour être en règle avec le Seigneur, il faut faire cela. Les Philistins ont compris qu'il fallait restituer l'arche de l'Alliance. Prions pour tous ceux qui ont commis des péchés, qui hésitent, qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas restituer, que Dieu les touche, que Dieu les convainc. Si tu es toi-même, dis, Seigneur, aide-moi à me repentir sincèrement. Prions le Seigneur. Bénissons ton nom ce matin, Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, celui-là qui nous pardonne au-delà de tout ce que nous faisons à cause de lui-même. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous te remercions pour l'exemple des Philistins qui ont compris qu'il fallait ramener l'arche aux Juifs. Nous te prions ce matin. La repentance, c'est le fait de regretter amèrement les actes mauvais que nous commettons contre Dieu et contre notre prochain. Et on décide de demander pardon à Dieu et de demander pardon à notre prochain. Nous voulons te prier ce matin. Peut-être que nous avons pris de l'argent quelquefois en emprunte et c'est difficile de rembourser. Oui, on continue à commettre l'adultère avec la femme d'un autre. Il faut prendre l'engagement d'arrêter. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit nous touche ce matin par l'action de la main de Dieu sur notre vie. Enfin de rentrer à nous-mêmes, de pleurer devant le Seigneur et de nous repentir, de changer, de décider de changer, d'abandonner et de revenir à Dieu. Ce matin, Seigneur, donne-nous la force de prendre le courage et de dire non au péché et d'aller demander pardon à son mari, à sa femme, à ses enfants, à ses voisins. Parce que il faut que Dieu nous exauce, Dieu nous gracie, Dieu nous pardonne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que les Philistins ont offert au Seigneur un sacrifice, une offrande de réparation, de culpabilité. Oui, ils nous enseignent la manière de donner. Les païens même ont compris que quand ils veulent donner à Dieu, ils doivent donner ce qui a de la qualité, ce qui a de la valeur. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux expérimenter la délivrance, Dieu te demande de le mettre à l'épreuve. Apprends à toucher le cœur de Dieu, à poser, c'est moi, un geste qui va toucher le cœur de Dieu, afin qu'il restaure ta vie. Prions le Seigneur, afin qu'il nous libère de la culpabilité. Que le Seigneur nous aide à exercer ce ministère, la libéralité, à toucher le cœur de Dieu par les offrandes, par les dons que nous donnons pour l'avancement de son œuvre. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Toi qui es notre libérateur, toi qui es notre soutien, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous sommes dans la joie lorsque nous invoquons ton nom ce matin pour tous tes bienfaits. Nous prions au Père éternel et nous te remercions pour nos péchés qui sont pardonnés. Ta parole déclare que c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités. Nous sommes reconnaissants et nous te disons merci Père éternel. Et en signe de reconnaissance, nous demandons Père que tu reçoives notre offrande, l'offrande de reconnaissance, l'offrande d'action de grâce que nous te présentons. Reçois-les ô Père éternel afin que nous soyons honoré. Nous prions contre toute forme de résistance. Nous prions contre tout obstacle à la libéralité. Fais en sorte, Père éternel, que tes enfants puissent s'exprimer par leurs dons, par leurs dîmes, par leurs offrandes, par leur libéralité. Nous prions contre toute forme d'endurcissement et nous prions aussi contre toute forme de manipulation. Ta parole déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous sommes libres de toute manipulation des puissances des ténèbres. Nous sommes libres également de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous sommes libres d'exprimer notre joie, d'exprimer notre reconnaissance. C'est pourquoi nous te disons merci ce matin. Merci Père éternel pour la paix que tu nous donnes, pour la grâce, pour la sécurité que tu nous accordes et par-dessus toute chose, pour l'opportunité que tu nous donnes de s'aimer pour l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Prions pour que Dieu nous délivre de l'endurcissement. Oui, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Prions pour briser l'esprit d'endurcissement. Prions pour briser le cœur endurci. Et que tous ceux qui sont endurcis, que Dieu leur accorde la grâce de se repentir, de se tourner vers le Seigneur. Tu vas prier pour tes membres de famille. Tu vas prier pour un parent, un ami dont le cœur est endurci. Prie le Seigneur pour que l'esprit d'endurcissement soit brisé et qu'il se donne à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Béni ce matin, notre Dieu, notre Père, merci pour ton esprit. Merci pour ta parole qui est l'épée de l'esprit. C'est à travers cette parole que nos cœurs, nos émotions, nos sensations sont touchées. Et on décide, notre Dieu, d'obéir à Dieu, d'obéir au Saint-Esprit. Malheureusement, au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont insensibles à la voix de l'Esprit de Dieu, insensibles à la prédication de la parole de Dieu. Depuis des années, ils sont dans les églises et ils ne veulent jamais changer. Ils ferment leurs oreilles à la voix de Dieu. Nous t'en supplions ce matin que les cœurs endurcis soient touchés. On continue à tromper notre mari, on continue à tromper notre femme, on continue à dérober de l'argent en tant que trésorier de l'église, en tant que responsable d'église. Seigneur, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Que nos cœurs soient touchés. Nous te prions d'agir ce matin par ton esprit. Dans un foyer où monsieur et madame ne se parlent pas, décide de ne pas se parler, décide de ne pas se réconcilier. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi maintenant. Et que les cœurs soient touchés. Les cœurs soient touchés. Esprit de Dieu, agis maintenant. Parce que nous voulons t'obéir. Nous voulons nous humilier. Nous voulons obéir à ta parole. Merci Seigneur. Nous nous mettons à genoux devant toi. Et nous disons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens à nos secours et aide-nous à changer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.